l'heure où le créationnisme fait un grand retour, notamment outre-Atlantique, jusque dans le bureau de la vice-présidence, il ne peut pas être mauvais de se replonger à la source de la théorie de l'évolution, qui plus est, un 19 avril, jour de la commémoration de la mort de Charles Darwin. Newton du brin d'herbe selon Kant, Copernic du monde organique selon Freud, Darwin est certainement à l'origine du plus grand bouleversement conceptuel dans la compréhension de la structure du vivant, une théorie qui en un siècle et demi n'a cessé d'être confirmée et de se préciser. Darwin, la théorie gagnante, c'est l'histoire que nous allons vous raconter dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour vous raconter cette histoire, nos deux narrateurs du jour sont Thierry Hoquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie des sciences à l'Université Paris-Nanterre, membre de l'Institut de recherche philosophique et traducteur de L'origine des espèces d'un certain Charles Darwin dans l'édition qu'en a fait Le Seuil. Bonjour Jean-Baptiste de Panafieux. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de sciences naturelles, docteur en océanographie biologique, auteur de Darwin à la plage, l'évolution dans un transat, c'est aux éditions Duno et c'est, je le précise, le prix Le Goût des sciences France Culture de 2017. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture ainsi que sur notre fil Twitter @laméthodefc. Puisque nous avons reconnu que la théorie de l'évolution n'était qu'une théorie, je demande humblement qu'on l'enseigne comme telle et qu'on laisse également la place à l'enseignement d'autres théories. La Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, et j'y crois. Vous avez peut-être reconnu la voix du vice-président des États-Unis, Mike Pence, qui revendique haut et fort ses croyances créationnistes, dont l'un des arguments principaux que vous venez d'entendre est le suivant: puisque la théorie de l'évolution est une théorie, eh bien c'est donc qu'elle peut être réfutée, Thierry Hoquet. Oui, alors c'est amusant de voir que le terme théorie est devenu en quelque sorte une insulte, c'est-à-dire ce qui est en vérité la forme la plus haute de la rationalité humaine devient le synonyme d'une pure hypothèse jetée à tout hasard. Donc une théorie, il faut rappeler ce que c'est-à-dire c'est un corps de principes, de lois organisées de manière rationnelle et on pourrait dire étayées également sur un grand nombre de faits. Donc si on revient au statut de la théorie darwinienne, ça n'est pas du tout une hypothèse fantaisiste jetée par hasard. C'est un dispositif qui a été soumis à l'expérience de la réfutation, qui a subi des tests expérimentaux, qui rassemble, du point de vue de Darwin, un grand nombre de faits et qui fait en quelque sorte la synthèse de toutes les connaissances naturalistes de son époque. Donc une théorie, c'est quelque chose de grand, ça ne peut pas être une insulte. Jean-Baptiste de Panafieux. Oui, il y a une ambiguïté avec le terme théorie, parce que dans le langage quotidien, j'ai une théorie sur les Martiens. C'est pour un scientifique, j'ai une hypothèse sur les Martiens. Et pour les scientifiques, théorie, c'est ce que vous venez de dire, c'est complètement autre chose que la supposition ou l'hypothèse. Et il y a une différence entre le terme scientifique et le terme populaire de théorie, qui est juste d'avoir une idée sur un sujet. Et ça, c'est une des raisons de l'incompréhension entre un certain grand public et les scientifiques sur la question. On peut dire peut-être aussi par ailleurs que cette théorie de l'évolution, si elle garde le nom de théorie de l'évolution pour des raisons d'histoire des sciences certainement, est l'une des théories les plus solides que la science moderne au sens le plus large du terme, que la science, parce qu'on est au milieu du 19e siècle, quand elle est élaborée, qu'elle est certainement l'une des théories les plus solides que la science moderne ait pu produire, Thierry Hoquet. Oui, alors elle est une des plus solides, mais aussi peut-être une des plus contestées, parce qu'elle est associée précisément à des termes assez flous. Celui d'évolution, c'est un terme très chargé qui vient en fait du champ du développement. Au XVIIIe siècle, l'évolution, c'était le développement de l'embryon. Donc, elle indique l'idée qu'il y a un changement au fil du temps, mais c'est un changement qui est extrêmement difficile à conceptualiser parce qu'on, le terme même d'évolution, on pourrait dire, indique ou suggère l'idée d'un développement qui serait préorienté vers quelque chose. Donc, il y a des débats parmi les lecteurs de Darwin pour savoir comment on doit appeler cette théorie. Et il est frappant, par exemple, que Darwin n'emploie pas le terme évolution dans la première édition de L'Origine des espèces. Il le fera plus tard. Et beaucoup de questions se sont posées pour savoir s'il avait évité consciemment le terme. Bon, aujourd'hui, effectivement, on appelle évolution l'idée que les espèces se sont transformées au cours du temps. Voilà. Mais Darwin, lui, parle de théorie de la descendance avec modification. C'est-à-dire l'idée qu'à chaque génération, des variations sont sélectionnées et ainsi produisent des changements qui, pour Darwin, étaient graduels, extrêmement minimalistes presque, et transformés sur le long terme par accumulation les formes. Et on va revenir, on va relire en votre compagnie tout à l'heure L'Origine des espèces. Peut-être un mot, Jean-Baptiste de Panafieux, peut-être faut-il aujourd'hui préférer le terme évolutionnisme à la théorie de l'évolution. Est-ce que ça permettrait de fixer un peu plus les consciences selon vous ? Je ne pense pas que ça change grand-chose. Les oppositions sont de toute façon beaucoup plus profondes. Il peut y avoir un débat sur le terme théorie, sur le terme évolution. Ce que les gens, enfin, ce qu'un certain nombre d'entités théorie de l'évolution ont en tête, c'est cette idée qu'ils descendent d'animaux qui est insupportable pour eux et incompatible avec leurs croyances religieuses notamment. Alors on va revenir hein, et on va essayer de comprendre la façon dont Charles Darwin s'est approprié cette théorie de l'évolution, cet évolutionnisme, comment il l'a détaillée par étapes au cours de plusieurs ouvrages, en suivant par ailleurs une méthode scientifique scrupuleuse dont nous allons reparler. Mais peut-être faut-il commencer par préciser que l'évolutionnisme, cette théorie de l'évolution, ce n'est pas Darwin qui en est le père, Jean-Baptiste de Panafieux. Elle existe déjà dans la pensée scientifique naturaliste du 19e siècle. Il y a un certain nombre de naturalistes qui s'interrogent vraiment beaucoup là-dessus. En France, on a immédiatement à l'esprit Lamarck qui nous vient. Mais il y en a d'autres en Angleterre, en France. La grande différence quand même, c'est que Darwin propose une explication à la transformation des animaux, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent. Lamarck est encore dans un mode de pensée très 18e siècle, avec un système. Il expose son idée et tout doit en découler, mais il n'y a aucune explication. Il n'explique rien et il ne convainc pas à cause de ça. Il ne convainc pas les autres naturalistes. Darwin propose un mécanisme simple et là, on peut le tester, on peut voir si ça marche vraiment et en discuter surtout. Il faut dire qu'au 19e siècle, avant Darwin, puisque effectivement, la philosophie zoologique de Lamarck, qui est l'ouvrage de référence pour cette théorie évolutionniste, est publié en 1809, qui est l'année de naissance de Darwin. Mais peut-être faut-il préciser, Thierry Hoquet, que le naturalisme est en pleine révolution structuraliste, en quelque sorte. On est en train de chercher à comprendre, à classifier la nature, à essayer d'en percer les mécanismes au début du 19e siècle. Oui, on connaît de plus en plus d'espèces et cela entraîne une interrogation sur le statut même de ce qu'on classe. Et Darwin observe que les naturalistes sont obsédés par la recherche d'un ordre qu'ils appellent la méthode naturelle et qui serait en quelque sorte une classification qui n'aurait rien d'arbitraire mais qui restituerait la carte en quelque sorte de la nature selon ses propres divisions. Et Darwin pense que si on prend en compte l'histoire des vivants, eh bien, on a une explication non seulement de la bonne classification, mais on comprend pourquoi la classification est structurée de manière hiérarchique telle qu'elle l'est. Et il utilise par ailleurs le flou, c'est-à-dire les débats scientifiques qui ont lieu à son époque concernant le nombre d'espèces, pour souligner que une espèce, ça n'a pas de statut ontologique, ça n'est pas inscrit dans un ciel idéal, mais c'est une réalité fluente, que la distinction entre particulier entre espèce et variété est quelque chose qui se pense dans une sorte de continuum. Hein. Il y a différents degrés, différentes barrières entre les espèces, entre les différentes variétés d'une espèce. Et Darwin utilise cela pour montrer qu'en fait, espèce n'est donc pas quelque chose de stable, mais a une histoire. Quels sont les fondements de ces premières briques de la théorie évolutionniste, surtout, et quelle en est la réception à l'époque de Darwin, au début du XIXe siècle, Jean-Baptiste de Panafieux ? Les fondements de... Ce que postule Lamarck, en quelques mots, par rapport à Darwin, en fait. Quelles sont les premières briques ? Alors, c'est pour ça, le mot brique me gêne un peu, parce que Darwin s'oppose fondamentalement à Lamarck sur l'explication qu'il donne de la transformation. Lamarck propose une transformation des espèces. Il parle même de l'homme, c'est passé un peu inaperçu, mais il parle même de l'homme dans son livre. On parle d'ailleurs de transformisme. On parle de transformisme. Ce qu'il y a, c'est que Lamarck est compatible avec à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'il propose un système explicatif qui correspond à ce qu'on pense au départ. On pense au départ que la nature est bonne, que la nature est faite pour nous, que tout est prévu pour les animaux, et que s'ils ont des besoins, la nature va leur fournir ce dont ils ont besoin pour survivre, pour vivre bien. Le canard doit nager, il pousse avec ses pattes et il lui pousse des palmes. On connaît l'exemple de la girafe, évidemment. Avec son long cou. Et donc, que ça soit la nature ou que ça soit Dieu, de toute façon, il y a quelque chose qui va aider les espèces à se transformer en fonction de leurs besoins, en fonction de l'utilisation de leurs organes ou de leur non-utilisation de leurs organes. Et tout ça se transmet aux petits. C'est la fameuse théorie de l'hérédité des caractères acquis. Voilà. Et Darwin, qui connaît ça, même s'il s'en défend, en tient compte un peu de temps en temps dans ses livres, mais lui, il va proposer une explication qui est totalement contre-intuitive, complètement à l'opposé de ce que dit Lamarck. Il va rompre Thierry Hockey avec cette conception très déterministe, finalement, de l'ordre naturel des choses. Oui, en même temps, il accepte l'idée que les êtres vivants, tels qu'on les observe, sont extrêmement bien adaptés à leur environnement. Et ça le frappe. C'est le point de départ qu'il va prendre, et c'est un point de départ qu'il partage, on pourrait dire, avec, justement, les croyants de son époque. Il ne dit pas que le monde est une monstruosité, même si il va montrer effectivement qu'il y a des choses comme, je sais pas, la guêpe qui pond ses œufs dans une chenille et la chenille est dévorée de l'intérieur par les petits œufs, les petites larves. Voilà, ça le choque et pour lui c'est une preuve qu'il n'y a pas d'ordre beau et bon dans le monde. Mais malgré tout, il se dit ce qu'il faut expliquer, c'est comment la beauté du monde est produite. Que cachent en vérité ces merveilleux chanteurs qu'on entend quand on entend les oiseaux gazouiller ? Et pour Darwin, cela cache en vérité un combat. Donc quand vous parliez de briques qui ont servi à mettre en place sa théorie, je pense qu'il y en a plusieurs. Là, je parle de toutes les observations qui ont été faites à son époque sur ce qu'on appelle communément les guerres de la nature, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des pénuries de ressources, que les populations soient fluctuantes, des choses qu'on lisait déjà chez Buffon, notamment que, par exemple, si une population de lièvres a l'air fécond, a l'air constante, en vérité, cette constance est conquise sur un excès de fécondité et un excès de destruction. Donc l'équilibre, en fait, est un état instable qui résulte d'une impression qui gomme, en fait, tous les mouvements de population dans la nature. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de l'histoire de Charles Darwin et de la théorie de l'évolution tout au long de cette heure en compagnie de Thierry Hockey et de Jean-Baptiste de Panafieux. On va parler donc de la vie de Charles Darwin. Ce qui est intéressant, c'est que Charles Darwin, on l'a dit tout à l'heure, est né en 1809 d'une famille scientifique puisque son propre grand-père était lui-même naturaliste, Jean-Baptiste de Panafieux, Erasmus Darwin, et était lui aussi d'ailleurs plutôt partisan de l'évolutionnisme. Oui, il a écrit des poèmes absolument étonnants sur la nature, sur les plantes, sur les animaux. Et il parlait de transformation sans proposer d'explication. Et c'était un médecin que Darwin n'a pas connu. Mais Vous parlez de son père, moi je parlais de son grand-père. Son père était médecin et son grand-père, Darwin, était naturaliste. Voilà, autant pour moi. Parce que son grand-père a même écrit « Zoonomia ou les lois de la vie organique » en 1796, qui a été mis à l'index par l'Église catholique. Oui, il ne fallait pas parler de possibilité qu'il y ait une transformation. C'était une opposition radicale pour les protestants anglais, mais pour les catholiques aussi. En tout cas, plus pour les protestants qui s'attachaient à la lettre de la Bible, qui ne parle aucunement de transformation. Les animaux sont apparus, créés par Dieu, comme ils sont aujourd'hui. Et parler de transformation et donc va à l'encontre directement du texte de la Bible. Donc Thierry Hoquet, oui, Darwin évolue dans un contexte scientifique, mais lui-même, au cours de son apprentissage, de sa scolarité, n'a pas de parcours très très déterminé. Il hésite, il passe de la médecine même à la théologie. Oui, on dit qu'il aurait pu devenir chapelain, donc c'est un parcours effectivement... On pourrait dire que rien ne prédestinait à aboutir à la théorie révolutionnaire, hein, qui est celle de la théorie de l'évolution. Mais en même temps, dans cette formation, notamment à Cambridge, il étudie la géologie. Et les découvertes en géologie à l'époque sont extrêmement importantes parce qu'elles conduisent à approfondir le temps de la nature et à faire éclater le cadre qu'on appelle créationniste, c'est-à-dire d'abord à l'allonge profondément l'âge de la Terre, mais également avec les découvertes de la paléontologie croisées aux connaissances en stratigraphie, on s'aperçoit que les formes vivantes apparaissent à différentes périodes au cours du temps. Il y a même le sentiment très fort à l'époque d'un progrès dans ces apparitions, c'est-à-dire qu'on passe de formes assez rudimentaires, des coquilles, etc., à des formes vertébrées, d'abord des reptiles, puis des oiseaux, et enfin des mammifères, des humains, etc., quand on remonte le temps, donc paléontologique. Et donc, il y a ce sentiment très fort que l'idée d'une création unique ne suffit pas. Et on multiplie l'idée de création stratifiée au cours du temps, en quelque sorte d'actes de création pluriels, et puis d'actes de création localisés. Donc, par l'étude de la géologie, on a une porte d'entrée très intéressante pour comprendre comment le temps de la nature est beaucoup plus long que ce que semblaient suggérer les textes sacrés tels qu'on les lisait à l'époque. Et par ailleurs, c'est un botaniste, hein, son camarade John Henslow, dont il va écouter d'abord les cours, qui va l'amener vers la géologie, Jean-Baptiste de Panafieux. Géologie et botanique. Et botanique, en fait, ce sont les deux grands domaines qu'il étudie au départ. Et Darwin est un vrai naturaliste. Par rapport à d'autres théoriciens, il est passionné par les animaux, par les plantes, par la géologie. Il s'y intéresse profondément et depuis qu'il est tout jeune. Il y a quelque chose de très... il y a une véritable progression dans toute son histoire, avec des détours par, effectivement, la médecine qu'il refuse de faire, ou par son état de futur clergyman anglais, qu'il abandonne en cours de route. C'est joli. Oui, mais disons que effectivement, l'étude de la nature, à l'époque... pouvait servir en fait de démonstration de l'existence de Dieu. Bien sûr, bien c'est sûr. Tout ce qu'on appelle la physico-théologie, qui était très importante, notamment en Angleterre avec la figure de William Paley. Et c'est de ce cadre-là que Darwin va devoir s'émanciper, mais c'est aussi de là qu'il va choisir de partir en quelque sorte. Quand au début du chapitre 3 de l'Origine des espèces, il évoque par exemple la merveilleuse co-adaptation entre les formes. C'est un peu son point de départ là. Il se dit, c'est de là d'où il vient, mais c'est aussi à ces lecteurs-là qu'il veut répondre, c'est-à-dire ceux qui pensent que l'ordre de la nature est une preuve de l'existence de Dieu. Il se répond quasiment à lui-même, parce qu'effectivement, il était dans cette optique-là de la théologie de la nature au départ, qui était celle de beaucoup de naturalistes. Et on va voir d'ailleurs que ça va avoir peut-être un rôle, en tout cas une influence, sur la façon dont il rédige l'Origine des espèces, ou en tout cas certains de ses ouvrages, en ayant en tête la critique théologique qui peut être apportée à ses écrits. Et peut-être un mot avant d'arriver au voyage fondateur dans le Beagle, peut-être un mot. Est-ce qu'on sait quels sont les rapports qu'entretient Charles Darwin avec Lamarck, s'il a lu les écrits de Lamarck? Il dit que c'est un ouvrage lamentable. Voilà. C'est-à-dire un ouvrage dont il attendait beaucoup, mais où il est déçu de n'avoir rien trouvé. En fait, il le connaît surtout par la lecture de Charles Lyell, qui en donnait une réfutation, donc un géologue qui en donnait une réfutation dans ses principes de géologie. Et donc, on peut dire qu'il a une manière de se démarquer de la marque, c'est-à-dire de se dire que la théorie de la transformation des espèces ne doit pas refaire le coup lamarckien. Ça ne veut pas dire qu'il est anti-lamarckien au sens où on l'entendrait aujourd'hui, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'il est contre l'hérédité des caractères acquis. Quand on lit l'origine des espèces, justement, moi quand je suis entré là-dedans, j'avais l'idée que alors les lamarckiens c'était hérédité des caractères acquis et darwinien c'était autre chose. Mais en fait, Darwin, il accepte vraiment ça à l'époque, c'est-à-dire sa théorie de l'hérédité est pas claire et il admet qu'il y a des choses un peu confuses qui méritent d'être étudiées. Donc c'est pas en cela qu'il est anti-lamarckien, mais il est anti-lamarckien au sens où il se dit qu'il faut donner une véritable explication et que effectivement, comme le rappelait Jean-Baptiste de Panafieux, les variations qui apparaissent ne sont pas immédiatement favorables. Il faut expliquer que comment les variations deviennent utiles en quelque sorte ou peuvent être ou ne pas être utiles. Jean-Baptiste de Panafieux. Pour tout le monde à l'époque, c'est évident que les caractères d'un individu, enfin ce en quoi il a pu changer au cours de sa vie, va être transmis à ses descendants. L'hérédité des caractères acquis, c'est quelque chose qui est évident pour tout le monde. Et de ce point de vue-là, effectivement, Darwin n'est pas en opposition frontale avec Lamarck là-dessus, mais il le cite toujours, il le cite régulièrement au cours de son livre comme un phénomène évident dont il mais même pas intéressant. Il va jamais chercher à expliquer ça. Par contre, il va essayer de dépasser cette idée avec son idée de sélection naturelle. Arrive 1831, le fameux voyage fondateur. Darwin embarque sur le Beagle pour une expédition de 5 ans. Et c'est dans les îles Galapagos, même s'il y a eu peut-être quelques indices avant, on en parlera tout à l'heure peut-être. C'est dans les îles Galapagos que Darwin va poser les jalons observationnels de sa propre formulation de la théorie de l'évolution. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Sorbonne Université pour reconstituer en quelque sorte eh bien, ces observations effectuées par Charles Darwin. Oui, j'ai rencontré David Laloy, il m'a raconté comment Darwin a pu arriver à l'idée de spéciation allopatrique. L'exemple le plus connu est celui des pinsons de Galapagos, où Darwin, en fait, en débarquant sur l'archipel, découvre une espèce d'oiseau qui semble ressembler beaucoup à l'île d'à côté, mais avec des différences notables sur la taille du corps ou bien du bec, un peu comme des versions différentes d'un même oiseau. Darwin comprendra plus tard qu'il s'agit en fait d'un phénomène de spéciation donc allopatrique de sélection naturelle qui explique comment l'isolement géographique peut amener à des formations d'espèces distinctes à partir d'un ancêtre commun. Ces pinsons, des fringilles américains, dans l'archipel des Galapagos, sont très différents à la fois morphologiquement et écologiquement. Donc il y a par exemple une espèce avec un bec fin qui vit dans les arbres et qui a un comportement d'insectivore. Il y a plusieurs espèces avec des becs plus gros qui vivent plutôt au sol avec des comportements de granivores qui mangent les plantes de la végétation basse des îles. Il y a une espèce assez intéressante avec un comportement un petit peu de pique qui tape sur les arbres, qui fait des trous. Et les ornithologues sur les études de morphologie et d'anatomie, c'est ce qu'on faisait à l'époque, on conclut en fait que ces 17 espèces, autant paraissent très différentes au premier abord, autant en fait elles sont très proches d'un point de vue groupe. Voilà. Donc ils font de l'anatomie comparée, ils en concluent quoi exactement? Alors ils en ont conclu que c'était des espèces extrêmement proches. Mais les petits sont petits effectivement, mais c'est une version miniaturisée des autres. Pour le reste, ils sont extrêmement identiques. Donc ces fringilles sur les différentes îles, est-ce que c'est des espèces qui sont toutes apparues sur chaque île? Est-ce que c'est des espèces qui ont toutes à un moment ou un autre colonisé indépendamment chaque île? Ou est-ce qu'il n'y a pas plus simple finalement comme explication? Parce qu'une apparition multiple sur chaque île apparaîtrait une espèce spécifique et adaptée à l'île. Parce que c'est ce qu'il a bien observé aussi, c'est que les îles où il y avait des grosses graines, il y avait des espèces avec des gros becs. Les îles où il y avait des plantes actives et des petites graines, il y avait des espèces avec des becs de granivores, mais plus petits. Voilà. Donc il avait bien noté qu'il y avait différentes espèces sur les différentes îles, parfois toutes seules, une espèce sur une île, parfois plusieurs espèces sur la même île, et cette adaptation entre les espèces et les conditions écologiques dans lesquelles elles étaient. Mais ça, est-ce que ça ne confortait pas une idée préexistante du transformisme, selon laquelle la fonction de créer l'organe, ou en tout cas le milieu, induit une adaptation morphologique? Oui, disons que ça confortait complètement l'idée d'évolution qui conduit à l'adaptation des organismes à leur environnement. Alors, le transformisme, c'est donc une idée notamment rattachée beaucoup à Lamarck, il n'est pas le seul, mais il fait partie des plus connus. C'est des gens qui, sur la question d'évolution sont assez d'accord, qui ont admis que le vivant change. Ils n'ont pas, par contre, les mêmes idées sur comment il change. Et c'est là que Darwin va avoir un apport important, et c'est là que les pinsons, en tout cas comme il les présente, ces fameux pinsons de Galapagos, ont aidé soit à développer lui-même ses idées, soit à les expliquer. Mais donc il a cherché des idées alternatives. Alors, est-ce qu'il y a eu autant de colonisation qu'il y a d'espèces, et chacune s'est adaptée sur chaque île? Ou est-ce qu'il y a même eu autant de création d'espèces, des nouveaux sur chaque île? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres explications possibles? Et il a trouvé une autre explication, en particulier à partir du moment où les ornithologues qui avaient étudié ces échantillons et qui lui ont dit bah, « c'est en fait des espèces très proches », il a trouvé une autre explication qui serait bah, « un événement unique ancestral de colonisation pourrait être suffisant s'il est suivi après de la colonisation des autres îles, et sur chaque île, le processus d'adaptation se met en jeu. Mais plutôt que d'avoir N événements de colonisation correspondant aux N espèces, un événement de colonisation suivi d'une divergence au fur et à mesure que des populations s'installent sur les différentes îles et rencontrent des environnements différents, ça lui paraissait beaucoup plus simple. C'est qu'une espèce ancestrale a réussi à coloniser les Galapagos, a dû arriver sur une île au départ, elle s'y est installée, elle a fait des populations qui ont peut-être commencé déjà à s'adapter aux conditions de cette île-là. Et puis à partir de cette première colonisation, elles ont pu aller coloniser les autres îles, qui sont à la fois pas trop loin, donc colonisables, et en même temps suffisamment loin pour qu'il n'y ait pas des échanges en permanence. C'est-à-dire qu'une fois que des populations s'installent sur une autre île, elles n'ont plus beaucoup de contacts avec leur île d'origine. Et sur chaque île, vont pouvoir se mettre en œuvre justement ce qui se passe avec les sélections naturelles. C'est-à-dire sur chaque île, en fonction des conditions environnementales dans lesquelles se trouvent les populations, bah, il va y avoir évolution en retenant les individus qui ont les traits les plus adaptés aux conditions dans lesquelles ils sont. On appelle ça la spéciation allopatrique. Est-ce que vous pourriez décrire un peu ce que c'est? Ça. Donc allopatrique, ça veut dire qu'il ne se passe pas dans le même territoire, allopatrique, c'est-à-dire qu'il y a un isolement géographique. C'est cet isolement géographique qui va permettre justement que les choses ne se passent pas de la même manière d'une population à l'autre. Voilà. Parce qu'elles ne sont pas en contact. Donc à partir du moment où il y a isolement géographique, il va y avoir petit à petit une formation de différences entre les populations, différences qui doivent normalement augmenter avec le temps. Je crois vraiment que cette histoire des pinsons, autant il avait noté pas mal de choses au moment où il était au Galapagos, c'est sûr, mais elle a quand même été démêlée assez nettement plus tard. Donc ça lui a pris un certain temps, en discutant après son retour avec des ornithologues, en comprenant que finalement, effectivement, tout ça formait un groupe homogène malgré les grandes différences écologiques, et qu'il a construit cette idée. Mais par contre, ça a été une idée importante sur le rôle de la sélection naturelle comme mécanisme d'adaptation aux environnements, et donc comme mécanisme de spéciation quand les environnements ne sont pas les mêmes. Voilà les observations de ces pinsons dans les îles Galapagos de Charles Darwin. Une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Jean-Baptiste de Panafieux? Ce qui est étonnant, c'est que comme c'est une espèce d'exemple phare dans l'histoire du darwinisme, les pinsons ont continué à être étudiés pendant des années et des années, et jusqu'à ces dernières années. Et il y a un couple d'ornithologues américains, les Grant, qui ont étudié pendant des dizaines d'années, qui ont mesuré des milliers de pinsons et qui ont repéré des événements d'adaptation à un moment de changement de l'environnement, une sécheresse, et les oiseaux commencent à changer. Ça va très vite. Et donc il y a une espèce de prolongement jusqu'aux gènes qui sont concernés par ça, mais on en parlera peut-être, qui poursuit les premières observations de Darwin. Thierry, ok. En fait, moi, j'ai le point de vue un peu de l'historien, avec un point de vue un peu hétérodoxe. En fait, pour moi, cette histoire des pinsons, c'est un peu une reconstruction rétrospective, qui est en particulier liée aux travaux de David Lack, qui est un ornithologue qui a beaucoup étudié les pinsons dans les années 1940. Et en fait, il y a plusieurs points qui font que, en fait, l'histoire des pinsons des Galapagos, pour Darwin, c'est pas si clair. Bien sûr, il a rapporté les spécimens et bien sûr, ça a joué un rôle important pour lui. Simplement, par exemple, il dit dans son journal de voyage que les Espagnols savaient très bien, par exemple, identifier les tortues. En voyant une tortue, ils savaient de quelle île elle venait. Donc on savait que les tortues étaient différentes sur chaque île. Et on sait également que les marins ont emporté des tortues pour les manger. Simplement, quand ils ont mangé chaque tortue, ils ont jeté les carapaces. Si Darwin avait vraiment eu, à ce moment-là, je veux dire, l'impact que les formes changeaient selon les espèces, que les localisations étaient importantes, il aurait gardé précieusement chaque carapace. De même, en fait, je crois que sur tous les spécimens qu'il a rapportés de pinsons, les localisations ne sont pas forcément rapportées de manière très précise. Et en fait, il y a un effet a posteriori, bien sûr, tout ça c'est très important, mais quand il écrit l'origine des espèces, l'oiseau qui s'impose dans le livre, ce sont les pigeons plutôt que les pinsons. Bien sûr. En fait, il y a... Jean-Baptiste Balifier, oui. Oui, oui. Il semble même, c'est Stephen Jay Gould qui racontait ça, que les pinsons ont été envoyés un peu en vrac, sans qu'il ait vraiment su de quelle île, il n'avait pas fait la distinction d'une île à l'autre. Entre les spécimens qu'il avait, naturalisés. Et sur ce point, c'est très intéressant parce que, d'abord, la théorie de la spéciation, le terme même de spéciation, c'est un terme qui apparaît avec la synthèse moderne dans les années 1940, et avec Ernst Mayr, un autre ornithologue très influent, qui va reprocher d'ailleurs à Darwin de n'avoir pas assez fait sur la question de la spéciation. Donc, et pour Darwin, l'endroit où les espèces se forment avec le plus d'énergie, de dynamisme, d'intensité, c'est sur les espaces continentaux pour Darwin, parce que c'est là que la compétition est la plus forte. Pour lui, les espèces insulaires, elles sont en quelque sorte protégés. Donc, ce qui est très intéressant pour nous, en tant que, je sais pas, épistémologue, et puis qui regardons un peu 150 ans de théorie de l'évolution, c'est de voir qu'en fait, la théorie de l'évolution, elle change au cours du temps, et Darwin n'avait pas tout juste, dès le départ, il y a eu une élaboration théorique très intéressante qui s'est produite à la moitié du XXe siècle. Et de toute façon, il s'écoule plus de 20 ans entre ses observations sur les pinsons et la théorie. Et on va en parler justement dans un instant. Hello, hello, I've been weak for weeks. Hello, hello, is there someone to speak? Hello, hello. Can you hear me? Hello, hello. Can you feel me? Monkeys Evolution de Yodelis à 16h35 sur France Culture. Puisque nous parlons donc d'évolution tout au long de cette heure et de Charles Darwin en particulier, en compagnie de Thierry Hoquet qui est professeur de philosophie des sciences à l'université Paris-Nanterre et Jean-Baptiste de Panafieux, professeur agrégé de sciences naturelles et docteur en océanographie biologique. Il faut du temps et c'est peut-être important de le noter entre le retour de ce voyage de Charles Darwin sur le Beagle. Il rentre en Angleterre en 1836 et la parution de L'origine des espèces en 1859, ce qui ne veut pas dire que Charles Darwin ne fait rien pendant ces années, mais il met du temps à structurer peut-être sa pensée. Qu'en pensez-vous, Jean-Baptiste de Panafieux ? Oui, il doit réfléchir à beaucoup de choses qui l'ont surpris tout au long de son voyage, parce que ça correspondait pas à ce qui lui avait été enseigné, sa vision même de la nature, la théologie de la nature, etc. Il y avait tellement de choses, les pinsons, mais plein d'autres observations, qu'il doit y réfléchir. Il va passer énormément de temps à avoir des discussions avec des éleveurs, des naturalistes dans le monde entier. Il va aussi travailler en zoologie pour asseoir sa réputation de zoologiste. Pour pouvoir parler d'animaux, il faut qu'il soit zoologiste. Il fait une thèse qui prend des années et des années sur les petits animaux qu'il finit par détester. Et il réfléchit à cette histoire d'évolution. Il va publier plusieurs livres, hein, Le voyage d'un naturaliste autour du monde, Voyage of the Beagle en 1839, donc 3 ans après son retour, puis Structure and Distribution of Coral Reefs en 42, des esquisses au crayon de ma théorie des espèces, monographie sur les cirripèdes également. Que se passe-t-il pendant toutes ces années, effectivement, selon vous, Thierry Hoquet? Est-ce qu'il y a une forme de maturation de sa pensée? Est-ce que parce qu'on pense, hein, que sa théorie darwinienne à proprement parler est établie dès 1844 à peu près. Il y a un manuscrit qui existe. C'est ça, en fait, il laisse à ce moment-là, il ouvre des carnets en 1837, il fait une première esquisse en 42, et en 44, il a un manuscrit qu'il ne publie pas, mais dont il dit à sa femme qu'elle doit trouver un éditeur pour le publier s'il lui arrivait de mourir. Voilà. Donc à ce moment-là, il a une théorie qu'il considère publiable. Donc c'est très important, parce qu'entre 1844 et 1859, ça fait 15 ans. Surtout, 1859 n'arrive que parce qu'en 1858, il a reçu un manuscrit d'un certain Wallace, dont il pense que il s'agit d'un excellent résumé de la théorie qu'il a écrite en 1844. Justement, Alfred Wallace. Oui. Voilà. Si Alois l'avait lu, il n'aurait pas pu faire un meilleur abstract, dit Darwin. Donc, c'est ça qui déclenche en fait la rédaction de ce résumé qu'est L'origine des espèces, résumé d'une théorie plus longue qu'il a anticipé. Donc on s'est demandé si ça venait du fait que sa théorie était dangereuse et qu'il redoutait les conséquences sur sa femme, sur son prestige scientifique, etc. Et de fait, on peut dire, ce que Darwin craignait par-dessus tout, c'était le discrédit scientifique associé à l'idée d'évolution, qui était une idée extrêmement populaire, mais qui était avancée, on va dire, sur des bases justement de sciences populaires plus que de critères scientifiques, de validation scientifique, de validation par les pairs. C'était une théorie qui était assez unanimement conspuée par les contemporains de Darwin, dans les élites académiques, on pourrait dire. Et donc Darwin a conscience que s'il veut avancer une telle théorie, il doit être impeccable concernant justement les standards épistémiques, c'est-à-dire les questions de démonstration, d'observation et de la manière dont il met en place le raisonnement qui va conduire à sa théorie. Le livre que l'on appelle L'origine des espèces a un titre de fait beaucoup plus long, On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Feral Races in the Struggle for Life, puisque vous l'avez traduit, Thierry Hoquet, je vous laisse traduire ce titre complet. Alors c'est De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, ce titre complet est beaucoup plus programmatique que ne l'est le titre réduit. Finalement, il contient en germe tout ce qui va faire le ciment de cette théorie darwinienne. Alors, la lutte pour la vie, la survie du plus apte et la sélection naturelle, surtout la sélection naturelle. Alors au départ, ça s'appelle le résumé d'un essai sur l'origine des espèces et des variétés par sélection naturelle. Et je pense qu'à l'époque, sélection naturelle était un mot très mystérieux et donc on lui demande d'expliquer un peu ce que c'est. Et il explique que ça va être donc la préservation des races favorisées au moyen de la lutte pour la vie. Et ici, c'est très important que des expressions comme la survie du plus apte, par exemple, ne figurent pas dans ce titre original. Ce sera un ajout postérieur lié une phrase qu'il emprunte au sociologue, psychologue Spencer et qu'il va introduire en quelque sorte en raison des difficultés qui sont liées au choix du terme sélection naturelle, qu'on accuse notamment d'être un terme trop psychologique ou intellectuel, et également une analogie empruntée au domaine des éleveurs. Donc le terme sélection embarrasse Darwin et Darwin explique que pour lui c'est simplement une analogie qu'il fait et qui est une manière pratique de désigner en un terme bref et une formule frappante des phénomènes extrêmement complexes. Qu'y a-t-il Jean-Baptiste de Panafieux ? Qu'est-ce que ce livre syncrétise de si bien, de si fort, pour qu'il fasse l'effet qu'il fait au moment de sa réception, c'est-à-dire celui d'une bombe, d'une révolution scientifique, avec toutes les conséquences que nous allons détailler rapidement ? Bah, sans doute, le fait qu'il propose un mécanisme qui est un mécanisme qui, à la différence des précédents, est convaincant. Convaincant, ça ne veut pas dire sûr, mais ça veut dire qu'il peut être débattu et il oblige à la penser, à le réfléchir. Quel est-il ce mécanisme ? C'est le mécanisme de la sélection naturelle. En deux mots, dans une espèce, tous les individus sont différents. Ils vont plus vite, sont plus lents, mieux cachés, résistent mieux à la chaleur, au froid, etc. Et par hasard, certains individus sont mieux adaptés à leur environnement. Ils vivent plus longtemps et surtout ont plus de descendants. Et leurs caractéristiques qu'ils avaient par hasard sont transmissibles. Thierry Hoquet, okay, cette notion de hasard, on l'a entendu deux fois, c'est une notion qui va précisément gêner Darwin aux entournures et qui va être mal comprise, mal interprétée. Voilà, ce que je veux dire d'abord, c'est qu'en fait, personne ne peut nier la validité de la sélection naturelle. Personne ne la discute, même les adversaires les plus féroces de Darwin admettent que ce qu'il appelle sélection naturelle, ça existe, ça doit exister. Ce qui est en question, c'est de savoir si c'est bien là la cause de l'origine des espèces. Voilà. Donc c'est là-dessus que se situe la discussion. Mais pour Darwin, c'est un raisonnement inexorable qui conduit de l'ensemble des prémices à la déduction du fait qu'il existe la sélection. Ensuite, le hasard, c'est pour Darwin un terme qui cache une ignorance. Pour lui, toutes les variations sont déterminées, simplement on ne connaît pas nécessairement les lois qui les produisent, et donc c'est ça qu'il dit, on appelle hasard, c'est-à-dire un voile pour notre ignorance en quelque sorte. Mais aujourd'hui, ce qui est très important dans cette notion de hasard, et associé à la théorie darwinienne, c'est qu'en fait, les variations ne sont pas programmées. Les variations ne sont pas commandées par l'environnement. Les variations offrent, comme le disait M. de Panafieux, une grande diversité à chaque génération, et dans cette diversité de variants, il peut y en avoir qui sont ou non favorisés. Voilà. Mais il n'y a pas de prédestination à être favorisé, ce qui donne au fil de l'évolution une absence de direction en fait, puisque en fait c'est à chaque génération en quelque sorte le tri se refait. On peut préciser aussi, Jean-Baptiste de Panafieux, que dans cette origine des espèces, Darwin n'aborde absolument pas la condition humaine, c'est important. Oui, c'était ce que je voulais souligner, c'est qu'il prend des exemples chez les animaux, il ne parle pas de l'homme, qu'il réserve à un prochain ouvrage dont on va parler dans un instant. Mais tout le monde comprend que derrière ce qu'il raconte chez les animaux, il parle aussi de l'homme. Et le scandale dans le public tient beaucoup plus aux humains qu'aux pigeons, bien entendu. On voit bien qu'il y a un souci chez Darwin, hein, effectivement, de ménager la critique, de ménager les instances religieuses également, Thierry Hoquet, qu'il y a là tout de même une volonté finalement de prendre en compte la critique dans la façon de rédiger, qui est une méthode scientifique assez implacable. Qu'en pensez-vous ? Pour employer un langage politique, je dirais, son souci, c'est de rassembler. Voilà. Donc, il veut rassembler. C'est-à-dire, il ne veut pas s'aliéner des lecteurs potentiels, des amis, des soutiens, etc. Donc, il est prêt à faire quelques concessions. Et par exemple, l'évitement tactique de la question de l'être humain dans l'origine des espèces, ça en fait partie, même si effectivement on voit bien où il veut en venir. Un autre évitement tactique, où là il est beaucoup plus ouvert, et je pense, c'est la question de l'origine de la vie. Il dit en fait, vous pouvez prendre 5, 10 prototypes originaux qui auraient été créés au départ et dans lesquels Dieu, il prononce le mot, il écrit le mot, aurait insufflé la vie, et à partir de là, moi, ça me va si vous m'accordez que tout le reste s'est produit par sélection naturelle, c'est-à-dire par le mécanisme que je mets en place. Alors, on pourrait dire que c'est un renoncement à l'intégrité de sa théorie dont on voit bien qu'elle a quand même un matérialisme très fort ou des présupposés matérialistes très forts. Mais en tout cas, on peut dire que Darwin laisse la porte ouverte sur ses point de départ en disant, si vous voulez, vous pouvez y mettre là une sorte de divinité, raison divine, voilà, oui. si ça vous va. Jean-Baptiste de Panafieux. Oui, il y a un autre aspect encore dans ces concessions qu'il fait à ses critiques, c'est qu'il tient compte de ses critiques et à chaque édition successive, il expose les critiques et il répond. Et donc il y a une espèce de rigueur qui est absolument étonnante quand on lit les éditions successives, une volonté de démonter chaque opposition, quelque chose d'extrêmement rigoureux qu'on trouve peu à l'époque. Alors là, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression quand on lit les autres, il n'y a jamais cette espèce de méthode scientifique implacable. Hein, j'aimerais revenir peut-être sur cette méthodologie darwinienne, sur ce syncrétisme très fort. C'est très argumenté. Il aborde point par point. Il y a vraiment une volonté très didactique dans tout son propos et dans la façon de l'exposer, cette théorie Thierry Hauquet. Oui, parce que précisément, il veut montrer que une fois qu'on a établi l'existence de la sélection naturelle, elle a non seulement le pouvoir de transformer les espèces, mais qu'elle en est également responsable. Et pour cela, en fait, il va convoquer l'ensemble des sciences naturelles de son époque. Il va convoquer d'abord la géologie, mais également toutes les sciences de la distribution géographique, toutes les sciences de l'embryologie, de l'anatomie comparée, de la systématique. Donc c'est un domaine extrêmement large de disciplines scientifiques qui, à l'époque, on pourrait dire, travaillaient de manière juxtaposée, mais sans théorie fondamentale pour les coordonner. Et sur chaque point, il montre justement les concordances, les convergences entre les différentes disciplines, en plaçant à chaque fois l'hypothèse de la sélection naturelle comme la clé qui peut permettre d'articuler un ensemble de domaines, mais aussi, il dit, c'est ce que, par exemple, les systématiciens recherchaient secrètement. Un mot, peut-être, pour conclure sur les origines des espèces, Jean-Baptiste de Panafieux. L'histoire dit que le livre est épuisé, le premier tirage est épuisé le jour même, qu'il en va de même pour le deuxième tirage. Alors, ce sont des petits tirages, 1500, 3000 exemplaires, c'est vrai ? Ah bah je l'ai lu en tout cas. La puissance théorique de Darwin ne s'arrête évidemment pas à l'origine des espèces. Vous l'avez dit, les éditions successives sont implémentées, corrigées, complétées. Il va publier La Variation en 1868 et surtout en 1871. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur cet ouvrage. 12 ans donc après L'origine des espèces, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Thierry Hauquet, qu'on traduit par... La filiation. Alors c'est très débattu, mais aujourd'hui la traduction reconnue, c'est de parler de filiation, parce qu'en fait le problème de descent, c'est qu'en français, si on dit descendance, ça implique, ça nous fait regarder vers l'aval, voilà. Alors qu'en fait le descent darwinien, c'est une ascendance en fait. Dans cet ouvrage, Darwin s'attaque à l'être humain, et plus que ça, il va vraiment compléter sa théorie en apportant des éléments importants, notamment autour de la sélection sexuelle, intraspécifique, sur les caractères sexuels secondaires, plein de choses qui n'étaient pas présentes dans l'origine des espèces. Oui, alors il l'évoque très rapidement dans l'origine des espèces, mais c'est effectivement là qu'il va développer l'idée qu'il y a des préférences esthétiques chez les femelles, et il inclut là donc toutes les femelles animales, en disant il y a un sens du beau donc qui conduit à des choix de partenaires, et ces choix de partenaires transforment également les formes vivantes, parfois en contradiction même avec ce que la survie individuelle semblerait exiger, déploiement de champs chez les oiseaux, de cornes de défense chez certains mâles, etc., où on voit que finalement ce sont des dispositifs pour se faire repérer plus que pour passer inaperçu et échapper à des prédateurs. Donc on voit que ici il développe vraiment un autre mécanisme qui a eu également une postérité très importante dans les sciences de la nature, en particulier à partir des années 1970, et qui a donné lieu à un champ, toutes les recherches sur la sélection sexuelle qui sont extrêmement dynamiques encore aujourd'hui. Un autre élément dans la filiation qui est essentiel, Jean-Baptiste de Panafieux, c'est le renversement qui s'est opéré chez l'être humain. C'est-à-dire que pour Darwin, il explique que la sélection naturelle s'est effacée devant l'éducation et qu'elle a disparu au profit de l'entraide. Ideste, et c'est ça que cette pensée est assez captivante, que la sélection naturelle a travaillé à son propre déclin en favorisant les instincts sociaux. Oui, ça va même plus loin, parce que on a accusé Darwin d'être à l'origine de l'eugénisme et des idées eugénistes, et il écrit clairement dans La filiation de l'homme que si des individus sont mal formés, inaptes à survivre, des individus humains, là, il parle bien de l'homme, il faut les aider. Il faut absolument les aider, quoi que ça puisse coûter pour l'espèce, car c'est une part absolument essentielle de notre humanité, de notre appartenance à l'espèce humaine. Et pour lui, donc, l'évolution de l'homme, ne s'est pas achevée, mais a abouti en tout cas à un renversement où l'entraide va prendre le pas sur la sélection exercée par l'environnement. Thierry Hoquet, sur cette sorte de, on parle de continuum réversif, hein, de passer de la sélection naturelle à l'entraide, à l'empathie, à l'éducation, que promeut Charles Darwin dans la filiation. C'est compliqué, vous voyez, au début de l'émission, vous avez proposé de parler d'évolutionnisme. Évolutionnisme, c'est un terme très problématique parce que justement, il montre qu'on est au cheval entre le biologique, le social, le psychologique. Enfin, c'est un concept très, très flou, en fait, hein. Et c'est le problème de la théorie de Darwin, c'est qu'elle a été immédiatement, en quelque sorte, reprise, amplifiée, détournée, systématisée aussi, appliquée dans différents domaines. Et elle a immédiatement échappé au champ strictement biologique. Mais c'était là d'où elle venait aussi. C'était une théorie métaphysique, en quelque sorte, de l'origine des formes et de la métamorphose. Donc c'était une sorte de rêve romantique. Et effectivement, elle va avoir une histoire très complexe, parce que dans le Descent of Man, Darwin n'évite pas la question aussi de la différence des races et de l'origine de ces différences. C'est une théorie qui est, à partir du moment où elle s'intéresse aux différences humaines, intrinsèquement liée à des problématiques qui sont liées à l'histoire de la colonisation, à la réaction de Darwin face aux sauvages et aux autres formes humaines. Et quelle est sa réaction, justement, en quelques mots, Thierry Hoquet? Eh bien, en fait, il y a deux choses. D'une part, un sentiment profond de la commune humanité de tous les êtres, et donc un anti-abolitionnisme très fort, qui fait de Darwin quelqu'un d'engagé socialement pour la liberté et l'égalité. Et en même temps, une sorte d'effroi victorien face à des formes humaines, des frontières de l'humain qui lui paraissent repoussantes, en fait, hein. Donc, il est quand même un homme de son temps qui est très content d'être un citoyen britannique et pas du tout un fuégien. Un mot de conclusion. On manque malheureusement de temps pour parler de la postérité du darwinisme, mais on fera une deuxième émission, et vous reviendrez pour parler de la postérité, justement, de cette théorie de l'évolution. Un mot peut-être de conclusion sur la nécessité de revenir à Darwin aujourd'hui, Jean-Baptiste de Panafieux, quand on entend le vice-président, par exemple, ou la popularité surprenante du créationnisme en 2018. Voilà, il y a la question du créationnisme en tant que tel, qui est une question qui touche, vous l'avez dit, les États-Unis, mais qui touche aussi une partie des jeunes en France, pour des raisons religieuses. Et à la fois les idées de Darwin, mais la façon dont il les a acquises, c'est-à-dire l'observation sur le terrain, est quelque chose d'absolument essentiel. Il faut toucher un fossile, il faut avoir cherché des fossiles dans une falaise pour se rendre compte que les fossiles ne sont pas des jeux de la nature, comme on peut l'entendre encore dans des lycées aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin, puisqu'il est déjà 16h53. Comme tous les jeudis, c'est l'heure de retrouver la Bibliothèque des Sciences. Aujourd'hui, Antonella Romano nous parle d'un livre étonnamment peu scientifique, Le Voyage de Gulliver de Jonathan Swift. La Bibliothèque des Sciences. À mon arrivée, je me vis entouré d'une foule de peuples qui me regardaient avec admiration, mais que je regardais de même. N'ayant encore jamais vu une race de mortels si singulière dans sa figure, dans ses habits et dans ses manières. Ils penchaient la tête tantôt à droite, tantôt à gauche. Ils avaient un œil tourné en dedans et l'autre vers le ciel. Leurs habits étaient bigarrés de figures du soleil, de la lune et des étoiles, et parsemés de violons, de flûtes, de harpes, de trompettes, de guitares, de luths, et de plusieurs autres instruments inconnus en Europe. Je vis autour d'eux plusieurs domestiques, armés de vessies, attachés comme un fléau au bout d'un petit bâton, dans lesquels il y avait une certaine quantité de petits pois et de petits cailloux. Il frappait de temps en temps avec ses vessies, tantôt la bouche, tantôt les oreilles de ceux dont ils étaient proches. Et je n'en pus d'abord deviner la raison. Les esprits de ce peuple paraissaient si distraits et si plongés dans la méditation qu'ils ne pouvaient ni parler, ni être attentifs à ce qu'on leur disait sans le secours de ces vessies bruyantes dont on les frappait, soit à la bouche, soit aux oreilles, pour les réveiller. C'est pourquoi les personnes qui en avaient le moyen entretenaient toujours un domestique qui leur servait de moniteur et sans lesquels ils ne sortaient jamais. Voyage de Gulliver, Jonathan Swift, 1767-1745, tome 2. Alors on pourrait évidemment continuer pendant des heures la lecture de ce texte qui est tout sauf un texte scientifique. Or, il me semble qu'il nous dit énormément de choses. Il pose, premier chef, la question de savoir comment est-ce qu'on fait l'histoire des sciences. Et encore une fois, il nous invite à nous demander quelles sont les références à partir desquelles quelqu'un aujourd'hui qui prétend faire de l'histoire des sciences d'une période antérieure, lointaine, de quoi dispose-t-il ? Alors évidemment, il aurait pu disposer de Newton. Il aurait pu disposer de ces textes dont on dit aujourd'hui qu'ils ont fondé un savoir de type universel. Et puis en même temps, ça nous invite à réfléchir à une question qui peut apparaître secondaire ou qui a sans doute longtemps apparu comme une question secondaire, à savoir celle de ce que représente le travail savant. Et alors évidemment, c'est à travers des sources qui sont un peu décalées que l'on peut être amené à avoir des éléments de réflexion sur ce qu'est la science à travers la manière dont les contemporains la regardent, l'observent, éventuellement la critiquent. Et c'est là que le texte de Swift est un texte absolument remarquable et délicieux. Les voyages de Gulliver en eux-mêmes sont une invitation permanente, non pas au relativisme, mais à la prise de distance sur ce que l'on est. Cet ajustement du regard qui donne de la valeur et une valeur différente aux choses en fonction du regard. Puisqu'on y trouve aussi, c'est dans ce livre de Swift, dans ces pages qui concernent ces personnages étonnants, cette ville de Laputa qui n'est faite que de savants. Ils sont tous obsédés par la connaissance, tellement obsédés par la connaissance qu'ils en oublient d'interagir avec les autres. Et du coup, il y a cette invention très drôle par Swift de ces agitateurs de vessie. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ce que ça nous dit, c'est qu'on a, dans la littérature, un regard critique sur la science. Et ce que dénonce Swift dans ce monde imaginaire de Laputa, c'est la société anglaise, et en particulier cette société anglaise qui est totalement, selon lui, obsédée par la Royal Society, cette institution qui fait partie de ces institutions dont on dit traditionnellement qu'elles ont été l'un des principaux vecteurs de la modernisation de la science et des savoirs contre l'université, qui était ce lieu de la répétition, du maintien de la tradition, etc. Et on a, première décennie du XVIIIe siècle, un regard totalement ironique hein, qui nous invite à réfléchir au fait que le mouvement de la modernisation, c'est un mouvement qui n'est pas continu, c'est un mouvement qui surtout ne peut pas rendre compte d'une situation où tout le monde est dans l'enchantement. Et en même temps, la capacité de raison, d'observation, de distance, c'est aussi ce qui permet de critiquer la science en train de se faire. C'était la Bibliothèque des sciences que vous pouvez retrouver comme toutes les émissions précédentes ainsi que toutes les chroniques sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Merci beaucoup à mes deux invités d'aujourd'hui, Thierry Hoquet. Je rappelle que vous avez publié Darwin contre Darwin, comment lire l'origine des espèces aux éditions du Seuil. Merci Jean-Baptiste de Panafieux, Darwin à la plage, l'évolution dans un transat, c'est chez Dunod et c'est le prix Goût des sciences France Culture 2017.